Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kerfranc avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio aux coûts humains, un thème, 4 épisodes, à 17h et même à 23h. Cette semaine, on rediffuse « Le thermomètre monte », une série de Lydia Ben-Itzrak réalisée par Doria Zénine. Au départ de cette série, il y a le monde déréglé par l'homme et le constat de ce que peuvent produire comme dégâts ces quelques petits degrés pour mieux dérouler les effets en cascade qui nous promettent la fin du monde, et encore s'il y a déjà plein d'espèces qui manquent à l'appel. Alors pour commencer, les personnages. Un météorologiste, d'ingénieux ingénieurs, une chercheuse, des botanistes, des forestiers, sapeurs-pompiers, un gardien de réserve inquiet et un spécialiste des plantes marines. Ensuite, le décor. Un aéroport, un pluviomètre, des canicules, du vent, la foudre, des gaz, des pins, la réserve de la Scandola, des anchois, un balbuzard, des barracudas et un bateau à moteur. Aujourd'hui, 4e épisode, c'est l'heure du point météo. La flamme corse. Là, on est vraiment à l'aéroport d'Ajaccio et c'est là que se trouve le centre de Météo France. Donc vraiment, on est à l'avant-poste pour observer le changement climatique, s'il y en a un, qui est déjà à l'heure ou pas, en Corse. Patrick Redillou, vous êtes chef du centre Météo France, ici sur l'aéroport d'Ajaccio. Et en quoi consiste exactement votre travail ? Alors, on a beaucoup de travail comme météorologiste. Mais d'abord, on a de l'observation. Là, vous êtes sur le parc instrument donc qui fait toutes les mesures, que ce soit de température, de pluie. Et après, il y a un travail de prévisionniste aussi sur le département, même sur la Corse. Et il y a un travail aussi qui est dédié à l'aéroport. C'est pour ça qu'on est installé sur cet aéroport d'Ajaccio. Alors, on va aller voir ce que sont ces fameux capteurs. Voilà, je vais vous montrer. Très bien. Alors là, c'est une sorte d'entonnoir géant. Voilà. C'est pas un entonnoir, enfin si, c'est un entonnoir, mais c'est un pluviomètre. Un pluviomètre donc qui recueille la pluie et en plus, il a la particularité celui-là d'être automatique. C'est-à-dire, il est relié à une centrale d'acquisition, un ordinateur, si vous voulez. Et donc, on arrive à voir, au-delà du cumul des précipitations, leur intensité. Voilà, je peux même vous montrer comment ça marche, si vous voulez. Et c'est quoi ce clou rouillé, là, qui dépasse ? Alors là, ça, vous n'allez pas trouver. Vous n'allez pas trouver, parce qu'en fait, le problème, vous avez vu, c'est que l'eau, elle tombe là-dedans. Et il y a un filtre pour éviter que les poussières ça tombe après dans l'auger basculant et empêche le recueil des précipitations. Et malheureusement, il y a les oiseaux, ils ont tendance à se mettre là. Et donc, à faire leurs besoins dedans et à boucher le pluviomètre. Alors, on a trouvé une solution, c'est de faire une... C'est un technicien qui a travaillé là, qui est parti à la retraite maintenant, qui a trouvé l'idée de mettre une tige ici, les os se mettent là plutôt que sur le rebord du pluviomètre. Voilà. Ah, c'est malin. C'est une astuce, oui. D'accord, c'est un perchoir à oiseaux. Voilà, c'est un perchoir à oiseaux, oui. Alors là, on va en profiter d'être devant le capteur, justement, pour les tombées, la pluie qui tombe, la pluviométrie. Et évidemment, on a l'image de la Corse qui va souffrir d'une certaine aridité. On a cette image des incendies et on se dit peut-être ouais. Ce sont des choses qui sont en train de s'aggraver avec les bouleversements climatiques. Est-ce que c'est une impression ou est-ce que vous le constatez avec les vrais chiffres ? Alors, en fait, la question, c'est de savoir si c'est... dû au changement climatique. Les stations météorologiques qui sont ouvertes depuis longtemps, comme Ajaccio depuis 1950, ou sur Bonifacio depuis le début du siècle pratiquement, on voit très très nettement qu'il y a une augmentation de température moyenne annuelle de 1 degré. Et alors après, dans le changement climatique, il y a l'élévation moyenne de température par rapport à la normale, mais il y a aussi... le fait d'avoir des épisodes de sécheresse et de température élevée, de canicule, de plus en plus fréquents. Et ça, c'est très net aussi. C'est très net aussi sur les statistiques. Et donc, on pense que ça va se poursuivre, puisque c'est aussi ce que prévoient les modèles climatiques. On a tous une mauvaise mémoire du climat. Et en fait, si on regarde pas les chiffres, on peut très bien dire, il y a 10 ans, c'était pas comme ça. Mais bon, Par contre, je suis très prudent effectivement sur ce genre d'événement parce que bon, il y en a certains qui viennent de se passer récemment et on se dit que c'est peut-être le début, encore une fois, de l'affirmation du changement climatique. Mais par contre, il y a un signal qui est très très net où on est sûr à 100% quasiment, c'est l'augmentation des températures et l'augmentation de la fréquence des canicules et des sécheresses. Ça, c'est même sur l'observation, hein, sur le passé, on le voit. Et sur des périodes assez longues pour en être sûr, quoi. C'est pas simplement une décade chaude, une décade plus froide, hein, ça n'a rien à voir. Cet été où il faisait très très chaud, alors les médias, hein, excusez-moi, il faut toujours que les records soient battus. Et donc, j'ai toujours quelqu'un qui me dit « Oui, mais place du Diamant, à Ajaccio, il y avait 55 degrés. » Oui, madame, il y avait 55 degrés et votre thermomètre en plein soleil, c'est normal qu'il fasse 55 degrés. Et la température ressentie, quand même annoncé ça, on était quand même chaud, on devait être à 38 degrés, voilà, c'est ça. Bon, on va regarder celui-là d'abord. Donc, danger, rayonnement laser invisible, ouais, c'est écrit en gros et en jaune sur ce capteur. Voilà, faut pas mettre l'œil au-dessus, mais sinon il n'y a pas de danger. En fait, c'est un télémètre de nuage, c'est-à-dire que c'est un laser qui part. Si éventuellement il y a un nuage, il tape dessus et on a l'altitude du nuage. Voilà. Et là, vous avez le perchoir à oiseaux de la même manière. Celui-là, on l'a reconnu, un petit perchoir à oiseaux, et puis ça ressemble à un peu R2-D2 qui aurait un peu bu, qui serait un peu penché. Ouais. En fait, vous savez pourquoi il est penché? Parce que le laser doit... Ah oui, il doit traverser les nuages en diagonale, c'est ça? C'est pas ça, non. C'est parce que s'il était complètement vertical et qu'il pleut, les gouttes restent sur la vitre. Ah, et donc, oui. Ça empêcherait le laser. Tout est étudié, hein, vous avez vu. Vous avez pensé vraiment à tout. Enfin, c'est pas moi qui ai pensé à ça, mais... Qu'est-ce que c'est ce robot sonde, alors? Alors, le robot sonde, c'est un automate qui permet de lâcher des ballons. En fait, des ballons qui sont appareillés, c'est-à-dire ils sont gonflés avant à l'hélium, maintenant à l'hydrogène. On attache ce qu'on appelle une sonde qui mesure la température, l'altitude et l'humidité. On lâche le ballon, on sait qu'il monte à vitesse à peu près constante. Et comme il y a un GPS dessous, on peut même calculer le vent et on a le profil de température, d'humidité et de vent au fur et à mesure qu'on monte dans l'atmosphère. Et là, ces ballons, ils ressemblent à quoi? Ils sont de quelle couleur? C'est des ballons blancs. C'est des ballons blancs, donc quand vous le gonflez au départ, il a à peu près un mètre de diamètre. Alors évidemment, au fur et à mesure qu'il monte, la pression diminue et donc il gonfle. Donc je pense qu'il est à peu près vers une douzaine de mètres quand il arrive à la troposphère. Donc c'est peut-être des fois les ovnis, c'est un ballon météorologique si ça se trouve. Voilà. Ah, vous cassez les gens. En tout cas, nous, on est contents d'être venus voir un petit robot qui gonfle des ballons. Voilà. C'est très poétique. Je trouve aussi, ouais. Patrick Rédillou, demain on part pour la réserve de la Scandola pour aller voir un peu les effets sur la biodiversité. Qu'est-ce que vous nous prévoyez comme temps pour demain? Très beau temps, vous êtes très bien tombé, très très beau temps, mer belle. Normalement, là il y avait encore un peu de houle aujourd'hui, peut-être encore un petit peu demain, mais en tout cas très beau temps. Ouais. Parfait. Quando tu sotto luna, le curianti gambudide, dai tutta la storia, Je suis la responsable scientifique d'une équipe de recherche dédiée aux feux de végétation qui compte 22 chercheurs. Ah oui, quand même. Donc vous êtes une grosse équipe qui est concentrée sur les feux de végétation. Oui, on est 22 avec un aspect pluridisciplinaire puisque parmi ces chercheurs, certains travaillent en écologie, d'autres en chimie, en physique, en mathématiques, en informatique et même en robotique vision. Donc on est vraiment sur un spectre très large pour aborder tous les aspects, bien évidemment, liés aux incendies de végétation. Et quel est le rapport avec la robotique et les incendies de végétation? Eh bien, parce que finalement, pour pouvoir comprendre ce qui se passe dans un incendie, pour pouvoir modéliser cet incendie, pour pouvoir vérifier que les modèles sont prédictifs comme la réalité l'est, eh bien, il faut pouvoir mesurer ces incendies. Et j'ai développé une thématique basée sur la vision, et ensuite sur des drones qui portent de la vision, qui suivent ces incendies, qui les mesurent, un petit peu comme un jeu vidéo. et qui en estime des caractéristiques comme la position au sol, la vitesse, la surface, le volume. Et ça, ce sont des données qui sont ensuite comparées avec des modèles prédictifs pour voir si on est dans le juste ou s'il faut améliorer les modèles. Alors là, les dernières séries d'incendies qu'a connues la Corse, est-ce que c'est un phénomène exceptionnel ou est-ce qu'il y a une sorte d'aggravation récente ? Alors, c'est une année un peu repère, qui est une année pour nous qui était de l'ordre de 2004, hein, donc c'est pas un phénomène extraordinaire, mais ce sont des phénomènes qui reviennent, je dirais, de plus en plus fréquemment. Ce qui se passe, et qu'il faut savoir, c'est que la superficie dévastée par les incendies est moindre, parce que les hommes aujourd'hui sont plus efficaces dans la lutte et l'aménagement du territoire. L'aménagement du territoire est une partie entière de la lutte. Par contre, effectivement, l'apparition des feux, en termes d'événementiel, est important. Et ça, effectivement, c'est dû au réchauffement climatique. D'accord. Alors, comment intervient ce réchauffement climatique, Lucile Rossi, pour aggraver ce phénomène des incendies? Puisque ça par exemple, ça doit être pour d'autres raisons, mais jusqu'au Groenland, cette année, les gens étaient frappés par le nombre d'incendies à travers la planète. Oui, on peut dire que la limite, en fait, des facteurs déclenchant des incendies est en train de monter. Donc en fait, pour déclencher les incendies, il y a plusieurs facteurs qui, lorsqu'ils sont combinés, font apparaître des incendies, et s'ils perdurent, font apparaître des incendies qui durent et ensuite qui se reproduisent. Donc ces facteurs sont la déshydratation de la végétation. Et donc ça, c'est une chaleur persistante qui fait que, par exemple, avant, il faisait chaud en août chez nous, et maintenant il commence à faire chaud en juillet, en juin. Avant, les incendies s'arrêtaient en fin de saison, fin août, et puis maintenant, on en a jusqu'en octobre. Donc, il y a un étalement en fait des conditions qui produisent les incendies, plus que en fait une apparition soudaine d'un ensemble de facteurs. C'est plus en fait l'étalement des facteurs qui sont à l'origine des incendies, qui sont corrélés en fait au réchauffement climatique. Donc, c'est plutôt ça qui est à l'origine. Donc, les facteurs qui déclenchent un incendie, c'est quoi ? Donc, c'est un taux de déshydratation de la végétation fort, un taux d'humidité de l'air bas, un vent qui apparaît, et ensuite des facteurs déclenchants qui peuvent être dus à l'homme ou à des incendies, comme des lignes qui tombent, comme la foudre, etc., etc. Alors, je suis curieuse de connaître, notamment, Lucile Rossi, le rôle des botanistes. Comment ils analysent la situation? Alors, nous, on travaille, quand un feu se propage, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est conditionné par l'espèce végétale sur laquelle il se propage. Et chaque espèce végétale, finalement, a une capacité à produire du gaz, et c'est le gaz qui s'enflamme. De la même façon, chaque espèce végétale a une capacité à produire une quantité de chaleur. Et donc, nous avons toute une contribution chimique liée, bien évidemment, aux espèces végétales, pour caractériser, finalement, ces productions énergétiques qui sont, finalement, des entrants de modèles prédictifs de comportement. Ensuite, nous avons aussi une partie de l'équipe qui travaille en écologie, puisque ce que l'on a appelé tout à l'heure les coupures actives ou les zones d'appui à la lutte, ces zones défrichées, eh bien, une façon de les produire, c'est en hiver de faire des brûlages dirigés qui font être utilisés comme outil de lutte contre les incendies. Et ces brûlages dirigés, eh bien, il faut savoir comment les générer et comment protéger les pins, par exemple les pins laritio, qui sont utilisés, c'est-à-dire qu'on ne défriche pas totalement une bande, mais on laisse des espèces végétales dessus. Donc on essaye d'apporter une contribution pour savoir la récurrence de ces brûlages, quel est l'impact de ces brûlages sur les espèces animales et végétales. Et par exemple, ça veut dire aussi qu'il est possible d'allumer un contre-feu pour empêcher le feu d'avancer à certains endroits ? Oui, je sais que, alors c'est pas moi qui le pratique, mais je sais qu'effectivement, lorsque dans certaines situations, des forestiers et sapeurs sont emmenés en hélicoptère pour effectivement faire des contre-feux, puisque le feu se propage parce qu'il y a matière à propagation. Donc s'il arrive sur une zone où il n'y a plus de quoi se propager, eh bien finalement il s'arrête. Et puis aussi, par rapport au feu, il y a des travaux de collègues dans le monde entier où on va utiliser des espèces, par exemple animales, pour détecter les feux. Notamment en mettant des capteurs sur des serpents, sur des lapins, sur des tortues, qui, lorsqu'un feu se déclare, ont un comportement qui peut être détecté par GPS et peuvent signaler avant toute autre personne ou capteur la présence d'un feu. Ah oui, j'avais entendu ça pour les séismes, notamment dans certains pays volcaniques où justement ça pouvait annoncer soit un volcan, soit un tremblement de terre. Mais ça, sur le feu, j'avais jamais entendu. Aussi, par exemple, le feu, pour finalement avoir été au contact, ce qui m'a le plus impressionné, c'est le bruit. Le bruit de tout ce qui brûle et le rayonnement de chaleur, c'est-à-dire qu'on croit qu'on est à l'abri parce que le feu a une distance finalement importante, mais pas du tout. C'est-à-dire que le rayonnement est tel qu'on peut être brûlé sans que la flamme vienne en contact. Et des maisons peuvent s'auto-enflammer directement sans qu'il y ait de contact. Par le, comment dire, la chaleur, simplement la chaleur sans être au contact des flammes, vous diriez, ça fait combien de mètres en distance Ben écoutez-moi, sur un petit feu de 10 mètres de largeur et 3 mètres de hauteur, à 15 mètres, j'ai eu très chaud. J'ai eu très très chaud. Ah oui, c'est quand même impressionnant. Oui. Vous avez le bras qui est marbré et on n'est pas sur une brûlure, voilà. De degré 1, 2, 3, mais vous avez très très chaud, quoi. On arrive à Galeria, c'est donc le point d'entrée de la réserve de la Scandola. On a rendez-vous avec Jean-Marie Dominici, qui est apparemment le gardien des lieux. C'était pas dur à trouver ? Non, mais c'était au bout de la route, comme vous nous avez dit. C'est au bout du monde. Hein. Le bout du monde. On a traversé, c'est magnifique ce chemin. On a eu la neige et tout, le gel sur la plage. Là. Ah, c'est magnifique. Ouais. Il y a des petits cristaux de givre ça, sur le sable. Ça, c'est le changement climatique. Hein. Bon, c'est de saison, mais si vous voulez, c'est pas fréquent. Cette période, c'est pas fréquent. Donc, je vous expliquerai tout ça plus tard. Donc là, ce qu'on va faire, vous allez vous réchauffer un peu, vous allez boire un petit café, si vous voulez. Hein. Et après, on partira sur la réserve, puisque la mer... C'est possible de sortir en mer. Oui, les hein? dieux de la météo sont avec nous, voilà, vous avez vu ça? Voilà. Un peu de bateau. Ah oui, c'est quoi? C'est des algues? Oui. Oh, c'est des posidonies, c'est des plantes à fleurs. Ah. Il y a plein de petits poissons dessous. Vous voyez les petits poissons? Ah, mais elle est très transparente, cette eau. Ah oui, elle est cristalline. Ah, c'est des anchois, ça? Oh, ouais. D'accord. Alors, les endroits calmes, comme un petit port, comme le port de Galère, où il y a une très bonne qualité de l'eau. Bon, là, les trous, parce que la tempête, ça fait remonter un peu les sédiments qui sont au fond, mais c'est pas de pollution non, par rapport aux chimiques ou quoi que ce soit. Oui, bien sûr. Donc ici, vous avez, comme c'est une zone abritée, ça facilite la reproduction des poissons. Et on retrouve beaucoup de juvéniles, beaucoup d'espèces qu'on trouve dans le golfe de Galère ou aux abords de la réserve de Scandola. Donc voilà le bateau, on va embarquer. Si on n'est pas glissé parce que c'est mouillé. Hein. Tenez-vous à la rambarde là-haut, regardez. C'est magnifique. Et donc ça fait quelle surface alors toute la réserve là? Alors là, ce qu'il ne faut pas confondre, c'est que nous sommes sur la façade maritime du parc, qui fait environ 160 km de linéaire côtier. Et au cœur de cette façade maritime, vous allez avoir la réserve naturelle de Scandre, qui fait 2000 hectares, 1000 hectares en mer et 1000 hectares à terre. Donc c'est vraiment le noyau dur de la protection qui est au cœur de cette façade maritime qu'on va découvrir après 10-15 minutes de navigation. Puisque c'est un endroit où on n'y accède qu'en bateau. Par la mer, par la terre c'est impossible, donc c'est déjà préservé naturellement. Il y a un peu l'atout excellent de conservation. Quoi. Alors, Galeria, si vous voulez, à l'origine c'est un petit village de bergers, et c'était un village d'estive, c'est-à-dire que pendant la période de transhumance, essentiellement l'hiver, cette période où il y avait beaucoup de neige dans les montagnes, ils se réfugiaient sur le littoral où les températures étaient plus clémentes et le climat surtout plus clément. Et donc on avait des transhumances, des déplacements de populations de bergers, essentiellement en hiver vers le littoral et l'été vers la montagne pour se trouver des pâturages au top. Quoi. Voilà. Et donc à l'origine, c'est un village qui a été créé par des bergers niolins du centre de la Corse. C'est la porte nord de la réserve de Scandre, Galeria, et au sud, c'est Porto et Girolata. Alors ce qui est remarquable sur le site, c'est que regardez, on part de Galeria et là vous allez longer la côte, il n'y a aucune route, aucun mitage de la côte, hein. C'est quand même exceptionnel quoi. On est quand même un observatoire de ces changements globaux. Toutes les problématiques de la COP21, de la COP23, on les a vécues, on les vit au quotidien dans la réserve de Scandre avec cet observatoire vivant. Depuis les années 2000, on a constaté des changements, des petites mutations dans les fonctionnements écosystémiques, et donc essentiellement, on a mis de suite le titre qui était un peu devenu à la mode, comme on parle de COP21, COP23, comme ça. Je veux dire, nous, on est dedans depuis les années 2000, puisqu'on a constaté ces anomalies, ces modifications des fonctionnements écosystémiques. D'accord. Alors, par exemple, la montée des eaux, est-ce que déjà, à cet endroit-là, l'eau a monté ? Effectivement. Il y a une espèce bio-indicatrice pour la montée des eaux sur la réserve de Scandre. Il s'agit du trottoir Halitophyllum, trottoir le Lithophyllum bistoides. C'est quoi comme espèce ? C'est quoi ? C'est du végétal qui s'encroûte et qui se fixe au niveau de la surface de l'eau. Et donc, indicateur de l'évolution de la surface de l'eau. C'est-à-dire qu'on a, depuis l'évolution de tous les niveaux de la Méditerranée, depuis les années 1000-2000 ans, la création de cet encroûtement au niveau de la surface des eaux, c'est-à-dire que si il y a 1000 ans en arrière, l'eau était 2 mètres sous le niveau actuel, on a la gradation calcifiée. Ah. Et donc là, sur ce canal-là, depuis 1000 ans, puisqu'on a mesuré, on a daté au carbone 14, 1000 ans que le trottoir n'a pas évolué. Donc il y avait une stabilité de la surface de l'eau depuis 1000 ans. Ce sont les plus larges trottoirs lithophyllum d'Europe. Et depuis 1995, il y a une évolution de la montée de la mer. Les scientifiques ont envisagé une montée de 2 cm. Et effectivement, en 2015, nous avons fait la mesure de 1995-2015, on a mesuré une montée des eaux de 6 cm. C'était inquiétant pour les scientifiques. Ah oui. Et là, le trottoir lithophyllum, qui est une espèce qui est basée au niveau de la surface, passe en milieu immergé. Il va passer sous l'eau. Il change d'écosystème. Disparition de tous les habitants, de toutes les espèces et un féodé à l'écosystème de surface. Donc, puisqu'il va passer sous-marin. Alors, Jean-Marie Dominici, l'autre effet pour les espèces sous-marines, c'est notamment l'acidification des océans. Alors, est-ce qu'ici, on peut déjà observer ces effets concrètement ? Et bien sûr. Nous sommes au niveau planétaire, dans un air ambiant, dans une mer ou océan ambiant. C'est-à-dire que ce qui est ressenti par rapport à l'évaporation des mers, des océans et de l'évaporation des écosystèmes terrestres aujourd'hui fait que partout sur la planète, les incidences, le réchauffement du soleil fait qu'il y a une évaporation de l'eau douce qui va augmenter la densité de sel dans le milieu marin. Et donc une acidification qui est due essentiellement à cette mutation de la chaleur qui va faire évaporer l'eau. Il y a aussi l'apport d'eau douce supplémentaire par rapport à la fonte de la banquise qui fait qu'il y a une augmentation d'eau douce et qui fait que cette dilution de l'eau douce de la fonte polaire au niveau des mers et des océans aussi est effective. Donc il y a une modification par rapport justement au Gulf Stream, lorsqu'on sait que le Gulf Stream, qui était un courant marin très implanté depuis des siècles, depuis des millénaires, aujourd'hui il y a des modifications par rapport à la fonte polaire, la fonte de l'Antarctique, qui va créer un afflux supplémentaire d'eau douce, qui va créer, une isolation entre l'eau salée et l'eau douce, avec une diminution du réchauffement de l'eau de mer, de l'eau des océans, qui va modifier les courants, puisque le courant du Labrador, le courant frais qui vient s'ajouter au courant chaud des Bahamas qui remonte vers le nord de l'Amérique et qui se dirige vers l'est, c'est-à-dire vers l'Europe, avec la descente d'air frais du Labrador et les eaux froides de la fonte de la banquise, accentue le refroidissement de ces courants jusqu'à inverser les directions et inverser les climats. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si on parle de réchauffement climatique, la fonte de la banquise, la modification, l'affaiblissement du Gulf Stream va générer des pics de froid au niveau du climat européen et qui est une certitude. Oui, c'est ça, parce que les gens ont l'impression, avec ces histoires de 2 degrés, que ça va se réchauffer, mais en fait, il y a des endroits où ça va se refroidir. Si vous voulez, les incidences de la non-gestion de l'industrie, des pollutions de la planète. Aujourd'hui, nous avons une réactivité des écosystèmes planétaires. Et cette réactivité, elle a mis du temps à se mettre en marche par rapport à la non-gestion des problématiques de pollution, qui fait qu'aujourd'hui, on est sur des problématiques d'irréversibilité pratiquement. C'est-à-dire que lorsqu'on arrive à inverser un courant marin comme le Gulf Stream ou les inversions des vents dominants sur des espaces comme Scandola, puisqu'on révèle à travers les observations permanentes qu'il y a des inversions des courants dominants, ce qui veut dire que les zones abritées deviennent des zones exposées, les zones exposées deviennent des zones abritées, modification totale des écosystèmes marins et terrestres. Donc tout ça, il va falloir un certain temps, si on peut, inverser la tendance. C'est-à-dire que l'ingérence, la non-gestion qui a eu lieu depuis 30, 40, 50 ans ou 100 années en arrière, où on n'a pas mesuré les incidences et les préjudices de cette mauvaise politique de gestion de nos pollutions, de nos préjudices humains sur la planète, fait qu'aujourd'hui nous sommes en plein dedans et c'est pas demain qu'on va pouvoir inverser ces choses-là. Si on met en place la COP 21, la COP 23, je veux dire, c'est bien de prendre conscience des choses, mais il faut prendre conscience que ces préjudices qui sont aujourd'hui, qu'on vit aujourd'hui, sont occasionnés par notre non-gérance, non-gestion depuis des dizaines et des dizaines d'années. Donc c'est pas, il va falloir des dizaines et des dizaines d'années, pour pas dire des siècles, pour rétablir ces équilibres-là. Alors un autre point qui fait peut-être partie de ces effets concrets du réchauffement climatique, c'est qu'on observe en Europe avec la montée des espèces vers le nord, en fait, toute la biodiversité terrestre et marine qui remonte, oui. En fait. Est-ce que vous observez ça ici? Mais évidemment. Lorsqu'on parle de montée d'espèces, c'est la montée par rapport à l'évolution du biotope de ces espèces-là. C'est-à-dire que les espèces, pour se reproduire, elles ont besoin d'une certaine température, les espèces marines. Et si demain la température évolue, si elle est trop chaude, il faut remonter où il y a une température plus tempérée. Et là, c'est exactement pareil. Les espèces, les lescepsiennes qui viennent en Méditerranée occidentale, les espèces orientales qui viennent en Méditerranée occidentale, c'est un fait avéré depuis plus de 20 années. Aujourd'hui, ça s'accentue parce que la température est en nette augmentation, la température de la Méditerranée occidentale, et ça favorise la reproduction des espèces qui avaient des difficultés à se reproduire, des espèces invasives qui avaient des difficultés à se reproduire chez nous. Donc c'est le cas du barracuda, c'est le cas de plein d'espèces. Il y a des espèces au niveau de la flore sous-marine, comme les algues filamenteuses, qui vont occasionner des zones d'ombre sur les espèces locales, les espèces sédentaires, qui vont empêcher la photosynthèse, où il y a les échanges gazeux, les échanges par rapport à cette photosynthèse de l'élimination du dioxyde de carbone transformé en oxygène, là c'est plus possible, puisqu'il y a une couverture, une zone d'ombre qui fait qu'il n'y a plus de photosynthèse et le soleil ne pénètre plus, donc ça ne fonctionne plus. Sur le couvert végétal, vous avez depuis l'année dernière, c'était l'été 2017, on a eu pratiquement 30% du couvert végétal qui a été brûlé par le soleil très violent, et brûler, c'est aussi irréversible. Lorsqu'il passe un incendie, la chaleur est tellement rapide que ça roussit le végétal extérieur, mais les racines sont toujours vivantes. Les réserves dans les racines peuvent relancer dès l'automne des rejets, des pousses, des repousses. Aujourd'hui, on a constaté par rapport au roussissement, à la mortalité de cet été, qu'il n'y a pas de repousse parce que la sécheresse était tellement violente en profondeur dans le substrat terrestre qu'aujourd'hui, ces espèces qui ont pris le coup de chaud de cet été et donc qui s'est asséché, aujourd'hui est dans l'incapacité de se régénérer par rapport à des repousses. Ah, donc c'est donc le croisement des phénomènes, en fait. Voilà, c'est les incendies plus l'aridité qui tue la biodiversité. C'est-à-dire, à partir du moment où le soleil est tellement violent que ça va accentuer l'évaporation de l'humidité de la terre, comme l'évaporation de la mer pour l'acidification des océans. Aujourd'hui, le processus sur la partie terrestre, il est démontré, il est effectif, puisque les mortalités qu'on a des espèces du maquis, une grosse partie des maquis, 30% du couvert végétal sur ce candola est mort. Moi, je pensais qu'il était mort de manière saisonnière pour repartir à l'automne. Non, là, il ne repart pas. Il n'y a pas de rejet au pied, parce que les souches qui sont la garantie de la reprise en termes d'accumulation de réserves d'eau de ces espèces-là, lorsqu'il y a eu ce sécheresse, ce réchauffement, les feuilles, la partie vivante des espèces végétales ont tiré sur les réserves jusqu'au jour où il n'y avait plus de réserves puisque le sol était complètement asséché et est mort de sécheresse, est mort par le soleil, la sécheresse et tous ces sous-là. Donc aujourd'hui, maintenant, s'il faudrait que l'espèce reprenne, elle est morte par rapport à ce manque d'humidité, ce manque d'eau, en plus des rayons de soleil foudroyants. Oui, alors en fait, votre petit paradis est quand même touché là, si je comprends bien. Mais il s'agit du paradis qui est exposé à ces changements globaux, ces changements climatiques. Donc ça, c'est une réalité qu'on peut regarder, qu'on peut voir. On va la voir parce que vous êtes venu ici depuis Ajaccio jusqu'à Caléria. Vous avez vu les taches roussies. C'est ça. Donc c'est le maquis qui atteint. Alors est-ce qu'il faut savoir que le processus, là aussi, on est pris dans un engrenage, dans un enchaînement de situations, de retombées par rapport à cette problématique. C'est-à-dire que plus les espèces qui jouent le rôle de parasol, de pare-soleil, pour les espèces qui sont en dessous, dans la hiérarchie des espèces. Qui font c'est-à-dire de l'ombre, en fait. Qui font de l'ombre aux autres, qui voilà. Protègent et qui évitent l'évaporation de l'humidité des sols, puisqu'elles meurent. Voilà, c'est une protection. On enlève la première protection. Ah. La prochaine fois, ce sera la deuxième. Et ça va accentuer le processus. Donc, vous voyez, lorsque je vous parlais tout à l'heure d'irréversibilité, je veux dire, c'est dans tous les domaines, terrestres et marins. Indalule tu milangore, Jean-Marie Dominici, à vous écouter, on est vraiment quand même dans une situation d'urgence. Et comment est-ce que vous pensez qu'on peut faire prendre conscience aux gens? Parce que ça a quand même un rapport avec leur mode de vie et aussi un peu au-dessus, aux politiques qui ont l'air quand même de ne pas encore vraiment prendre la mesure des phénomènes. Hein. Comment faire? Je vais vous dire ça avec un petit sourire, parce qu'il vaut mieux en rire qu'en pleurer, hein, parce qu'il y a de quoi pleurer. Mais je veux dire, aujourd'hui, l'homme, il vit plus regroupé dans les zones urbaines que dans la nature. Il sait plus ce que c'est que la nature. Il est incapable de constater de lui-même, de ses yeux, ce qui s'y passe. Il est incapable de voir que bientôt, il ne pourra plus vivre de cette nature. Elle ne pourra plus lui fournir les éléments vitaux pour l'espèce humaine, c'est-à-dire l'eau, l'air. Et ça, il est incapable parce qu'il a perdu tous ces repères-là. Aujourd'hui, la tendance est celle-ci. C'est-à-dire tout simplement, c'est-à-dire que tout l'écosystème de l'homme est en train de se... Moi, je dirais de subir des atteintes très fortes dues au comportement vraiment irrespectueux et immoraux des hommes sur la planète. C'est-à-dire que vous savez que les parasites dans la nature, ils ont le respect des autres sur lesquels ils vivent. Mais l'homme, il n'a même pas ce respect-là. C'est-à-dire qu'il vit sur la planète, c'est sa terre nourricière, mais il est en train de la tuer. Et s'il tue sa terre nourricière, il va mourir. Parce que ce n'est pas en créant de la nourriture artificielle ou virtuelle qu'il va pouvoir vivre. Et sensibiliser sur quelque chose que l'homme ne perçoit pas, ça va être très difficile. Jean-Marie Dominici, il y a des gens donc qui pensent déjà que la partie est perdue et qu'en fait c'est même plus la peine d'essayer de limiter nos émissions de gaz à effet de serre, qu'il n'y a plus, en fait, beaucoup de gens sortent l'argument de l'adaptation, qu'il n'y a plus qu'à s'adapter. Alors, comment vous réagissez à ça? Alors, c'est vrai que dans un premier temps, il faut s'adapter. Aujourd'hui, il faut mettre en place des mesures pour laisser faire la nature, laisser la nature se régénérer. Aujourd'hui, on fait tout pour qu'elle ne se régénère pas. Et donc aujourd'hui, à travers des exemples comme Scand, comme les aires marines protégées dans le monde, comme les ensembles du patrimoine universel qui est autour de la planète, je crois qu'il y a 46 espaces qui font partie du patrimoine mondial autour de la planète, ce sont les diamants de la planète, qui montrent très bien que l'homme, lorsqu'il gère ces espaces-là, qu'il prend conscience, qu'il a la connaissance des incidences des hommes au niveau de cette planète, il peut mettre en place des mesures pertinentes pour la régénération de la planète, de ces espaces. Scandola, c'est cet exemple-là. On montre, alors que les tendances de la ressource halieutique sont en voie de disparition dans le monde, ici, ça se régénère de manière foudroyante. On est toujours, lorsqu'on met l'œil sur les écosystèmes terrestres ou marins, on trouve toujours de nouvelles espèces. Alors que la tendance mondiale, c'est la disparition des espèces au quotidien, des milliers et des milliers par jour qui disparaissent. À Scand, on continue à en décrire, à en trouver. Donc vous voyez un peu ce paradoxe. Donc il faut que l'homme il ouvre un peu les yeux et les oreilles. Qu'il écoute, qu'il voit, qu'il sache s'informer, au lieu de tomber dans le système du virtuel, dans le système de l'informatique qui porte. C'est vrai que l'informatique peut porter à la connaissance, à la vraie connaissance. Mais aujourd'hui, il est brouillé, il est complètement enfumé dans le virtuel. Mais aujourd'hui, ce n'est pas du virtuel ce qui se passe sur la planète. Attention. Voilà. Je suis amoureuse de vous. Écoutez, moi je suis amoureuse de la nature. Mais ça, ces discours, on ne les entend jamais. Hein. Ça, c'est censuré normalement. Avec... Là, on passe à côté d'un. Regardez le nid de balbuzard, là, vous voyez. Ah oui. Ah, c'est le nid de balbuzard. Ah oui. C'est un rapace. C'est un rapace, un aigle pêcheur qui vient se reproduire dans la réserve de Scand et sur la façade maritime du parc en période printanière. C'est-à-dire qu'il arrive au mois de février et il repart au mois d'août après s'être reproduit. Et à Scandola, qui était le berceau de conservation du balbuzard pêcheur, le succès reproducteur est égal à zéro. Il n'y a plus d'envol sur Scandola parce qu'il y a tellement de fréquentation qu'il est tellement dérangé que les oiseaux ne peuvent plus s'envoler des sites parce qu'ils sont tués. Les parents sont dérangés en permanence par le passage fréquent des bateaux et ils ne peuvent plus s'occuper des poussins et les poussins meurent. Et il faut prendre des mesures. Ça fait depuis 2009 que le succès reproducteur de Scamp, c'est de 0% à l'envol. Et là, il faut qu'on prenne des mesures. Et là, il n'y a pas de courage politique pour prendre ces mesures parce qu'on n'ose pas aller à l'encontre des petites contraintes par rapport au développement économique. Ce sont des petites contraintes. Ce n'est pas interdire la nature, l'accès à la nature. C'est maîtriser l'activité humaine pour pas qu'il y ait d'incidence et pour qu'il y ait une conservation de cette biodiversité qui est l'atout essentiel du développement. Et si on veut faire du développement durable, ça passe par la maîtrise de l'activité humaine et le contrôle justement pour pas qu'on aille au-delà, pour pas qu'on arrive à des situations de clash, comme il arrive au niveau de la planète par rapport à l'ingestion, la non-gestion de l'industrie, tu sais, qui fait qu'aujourd'hui on a un changement global, un changement climatique. Alors, quels sont les obstacles, alors, à votre avis ? Les obstacles, c'est les enjeux économiques, c'est l'argent immédiat, puisque les pas de temps de la nature sont différents des pas de temps des hommes politiques. Hein, c'est 5-6 ans. En 5-6 ans, c'est pas en 5-6 ans que vous allez préserver ou mettre en place des mesures de conservation sur la biodiversité. Il faut des pas de temps beaucoup plus grands. Et l'homme qui est de passage au niveau politique, il faut qu'il ait les retombées immédiates d'une politique qui est vraiment inefficace sur le long terme. Lorsque vous allez parler de ça aujourd'hui, lorsque les monopoles des énergies fossiles, il faut arrêter avec ça. Nous avons la possibilité, les énergies éoliennes, solaires, je veux dire rien que le solaire. Justement, les changements climatiques, ça réchauffe. Et profitons de cette chaleur, de cette accumulation d'énergie qui nous est donnée gratuitement par la nature. Voilà, mais ça, on n'y vient pas. Donc moi, ça me démontre, je suis habitué à fonctionner avec la bioindication. Ça veut dire que l'homme, il est tellement con qu'il ne voit pas ses réalités. Il est en train de se tuer et continue à aller dans le mur. C'est de la bêtise. C'est magnifique, on arrive au bord de lorsqu'on falaise. Là, vous voyez, on se situe où la vraie place de l'homme par rapport à la nature. On se sent tout petit face à cette nature, vous voyez. Mais que c'est beau. C'est vertigineux, voyez, vraiment. Cette roche ciselée, tout ça, on dirait qu'elle a été sculptée par l'homme. Mais bon, c'est la nature, c'est le rendu de l'œuvre d'art de la nature, quoi. Le salon des dieux. C'est ça. Oh, c'est très très beau. On est comme dans une cathédrale géante. C'est incroyable. Mettez-vous un peu dehors, vous allez voir de. Vous voyez tout l'ensemble. Passez à l'avant, regardez. Vous avez la vue d'ensemble là. Ouais. Waouh. Ah non, mais c'est splendide, hein, vraiment. Alors là, ce qui se passe, c'est que nous sommes seuls. La nature, on est seul face à cette nature. Mais l'été, vous avez plus de 100 à 150 bateaux tous les jours ici. Vous voyez les orgues nautiques ? C'est ce site-là qui a valu le classement à l'origine du patrimoine mondial de l'UNESCO. Ah oui, on voit les strates de roches comme ça, comme un escalier préhistorique un peu. Regardez de face, vous avez des empilements de prismes. Vous voyez les empilements là ? Ah oui. Et là, cette zone-là, où on arrive maintenant entre les îlots, tout le devant de la presqu'île, c'est la zone intégrale de la réserve, c'est la zone la plus protégée, où nous avons les plus fortes biomasses de Méditerranée au niveau des poissons. Par exemple, autour de cet îlot, qui est l'îlot de Palazzo, l'appellation Corse, c'est Palazzo, ça veut dire le palais, c'est le nom Corse, ça veut dire un palais. Autour de cet îlot, vous avez pratiquement 250 individus de mérou, une espèce de poisson qui atteint une taille et un poids de 40 kg, une taille maximale, et vous avez plus de 250 individus autour de cet îlot. Et là, vous avez tout un tas d'espèces. Vous avez tous les maillons de la chaîne alimentaire au niveau des poissons. Vous avez des corbes, des sardes, des oblades, des dentilles, des barracudas. Vous avez des tonidés, des cérioles, des liches, tout ce que vous voulez. Regardez ces grandes falaises là. Là, c'est la pointe ouest, l'extrémité ouest de la Corse, hein, l'île de Gargalo. C'est l'extrémité, c'est le west end de la Corse, si j'ose dire, avec à moins d'un mille des côtes, des fonds de 2000 mètres de fond, avec l'écosystème abyssal, l'apport des courants froids par rapport au réchauffement. Donc il y a un brassage, comme pour les turbulences aériennes, au niveau marin, c'est exactement pareil. Dès qu'il y a un apport chaud avec l'apport froid, ça fait des tourbillonnances qui fait qu'il y a un brassage de l'eau chaude et de l'eau froide qui fait que ça tempère le site. Mais malgré le réchauffement, malgré ce fonctionnement-là, il y a des grosses modifications sur le trottoir halitophyllum et plein de choses. Sur le corail rouge, là, on a noté des mortalités du corail rouge sur les grottes, les zones étudiées. C'est où on a les plus anciennes colonies de coraux rouges de Méditerranée et qui, avec le réchauffement depuis les années 2003, subissent des coups de chaud, des pics de température où on trouve la température de la surface, par exemple, jusqu'à 25-27 degrés, à moins 30 mètres, moins 20 mètres. Et là, la pollution... La présence du corail, qui est un animal fixé sur les parois rocheuses, dans les grottes, fait que la première année, il se nécrose, Et la deuxième année, la nécrose se transforme en mortalité. On a eu des mortalités jusqu'à 70% des effectifs sur la réserve de Scorne. Donc en termes de bioindication, là aussi, c'est révélateur, c'est indicateur que le réchauffement est bien là et bien effectif. Là. Qu'est-ce que c'est des dauphins? Des Torchops truncatus. Ah. Le dauphin côtier. Allez. C'est le dauphin qui est vraiment infodé au littoral, qui est côtier, hein, qui est proche de la côte, qui peut peser jusqu'à 300 kg le gros mâle. Il y en a beaucoup ici. Oui, il y a pas mal de groupes, de composés de. Regardez les plus fins, il y a le coin. Ça, c'est les oiseaux marins que vous voyez à ras de l'eau là-bas. Ah. Et donc, il y a plein d'espèces marines qui sont vraiment des espèces inféodées au milieu marin, dont les Torchops truncatus qu'on vient de voir, hein, qui sont très présents par rapport à la présence de la ressource halieutique, le régime alimentaire. Et vous les voyez souvent, vous, alors? Très souvent, ouais. Et essentiellement, lorsque on est seul et qu'il n'y a personne. Lorsqu'il y a de la grosse fréquentation estivale, on peut les voir occasionnellement, ponctuellement, mais le moment favorable et favori, c'est lorsqu'ils sont tranquilles, lorsqu'ils sont seuls. Voilà. Ah oui, voilà. On voit sa nageoire. Ah oui. Les leurons dorsales. Il y en a combien, là, à votre avis? Là, c'est des groupes de 15-20 individus. Avec des tout petits qui naissent au mois de mai, qu'on peut retrouver. Donc nous faisons des suivis sur les mammifères marins, comme le dauphin, comme les rorquals, comme tout un tas de rois. Et encore là, hop. Regardez, ils sont là. Ouais. Ah oui, on voit les petites nageoires là, avec des petites vagues. Ils nous narguent en fait. Alors, vous savez que je pense que le dauphin arrive à mémoriser le bruit de notre bateau, à reconnaître. Reconnaît. Ah oui, c'est. Il y a une intelligence qui est fabuleuse, le dauphin. Il y a des études qui ont été faites qui ont démontré vraiment la proximité entre l'intelligence humaine et l'intelligence du dauphin. Hein. C'est... Oh, mon ami, il nous dépasse. Hein. Bah ouais, par certains trucs. Hein. Oh là là, là, ils sont vraiment à quelques mètres. Hein. C'est dingue. Hein. Ça fait un bruit spécial, le dauphin, là, on l'entend. L'écolocalisation, des petits cliquetis au niveau de l'écolocalisation. Sa respiration, là. Ah, le souffle, ouais. Le souffle, on dirait. Il sort de les vents. Ouais, c'est très étonnant. Il y a une richesse vraiment au niveau de la diversité des espèces qui est très présente, qui est très, très effective. Et vous voyez, en une petite sortie, ce qu'on a pu voir. Quoi. Donc, vous imaginez, nous, dans nos sorties quotidiennes, dans notre travail quotidien, la présence dans les inventaires de tout ce qu'on peut constater, la richesse des inventaires que l'on alimente au quotidien aussi. Et surtout, après, les comportements de ces espèces-là par rapport aux pressions humaines, par rapport au changement climatique, par rapport à plein de choses. Voilà, donc ça c'est très important. Et c'est pour ça qu'une réserve naturelle, une aire marine protégée comme une aire terrestre, est un observatoire du fonctionnement des écosystèmes et des biocénoses en général, soit terrestre ou marin. Et voyez là la couleur du couvert végétal, c'est marron. Hein. C'est marron. D'habitude c'est toujours vert foncé. Et là ça a souffert de la chaleur. Et vous disiez aussi qu'il y a de l'essence qui sort des plantes qui aggrave le cas en fait. Vous savez que le végétal est composé surtout en milieu très aride, très chaud du sud de la Méditerranée, avec une aridité. Vous avez une huile essentielle qui est la composante de cette espèce, des espèces végétales, qui est très présente. Et bien les huiles essentielles, ce sont comme de l'essence qui sont très inflammables en période estivale. Et lorsque la nature est exposée aux fortes chaleurs estivales, il suffit d'une petite étincelle pour que ça s'embrase. Et les incendies sont favorisés par ces états de fait qui sont très effectifs, très présents en Méditerranée, en sud de Méditerranée et dans les pays très arides. Et ça favorise donc la disparition de ce couvert végétal. Pour les incendies, c'est une problématique très importante et très grave. Mais bon, vous avez aussi les incendies. Si vous voulez, la disparition des coups de chauffe du couvert végétal dû simplement par les rayons du soleil. Moi, j'ai vu cet été des températures de 45 degrés à 50 degrés au soleil. Donc 50 degrés, je veux dire, ça cuit. Hein, le couvert végétal qui est très sensible, qui n'est pas habitué à cette température-là. L'espèce végétale qui n'est pas habituée à ce type de température est en train d'être exposée et de cuire jusqu'à la mort. Quoi. Aujourd'hui, on n'a pas eu de reprise de ce couvert végétal qui est impacté par les coups de chaud cet été. Donc c'est une certaine réalité et on peut évaluer aux abords de la réserve de Scorne et dans la réserve de Scorne à une mortalité, un coup de chauffe du couvert végétal de pratiquement 30% des effectifs du couvert végétal, des espèces du maquis corse. Donc c'est un fait qui est évident, qui est certain, qu'il faut prendre en compte. Voilà. Il est avéré, puisque scientifiquement il est démontré, il est présent. C'est tout. Hein. Bon, je vous laisse regarder la nature, les restes de la nature. Hein. Vous avez vu, vous avez un parc éolien juste en face, là. Ah. Il y a 10 éoliennes. Ah, un peu de transition énergétique quand même. Voilà. On commence à y penser, à ces histoires d'émissions de gaz à effet de serre. Mais on pourrait, parce que c'est une zone qui est très ventée ici, l'extrémité ouest de la Corse, le Cap Corse, ce sont des zones très exposées au vent, et donc une ressource énergétique naturelle, avec peu d'incidence sur le milieu naturel. Oui, mais du coup, c'est envisageable sur une réserve naturelle de mettre des éoliennes, peut-être pas. Il n'y a pas que des réserves naturelles. Au port de Halle, en face, vous en avez à moins de 3 km à vol d'oiseau. Hein. On peut en créer où on veut. On peut avoir des trucs éoliens sur le milieu marin, avec les ondulations des vagues de la mer, l'articulation qui fait que ça produit de l'énergie. Il y a plein de trucs comme ça. Il y a plein de nouveaux procédés qui ont été mis en avant par le monde scientifique et qui peut nous mettre en place tout un tas de récupération d'énergie à base de phénomènes naturels, quoi, et qui peut incider sur la nature surtout. Le buffin. Le petit buffin, il y a le quoi ? Ça, c'est la famille des petits pingouins. On a même des macareux moines qui viennent en hivernage sur la zone de Scandre, ou devant la réserve de Scandre, et des populations de pratiquement 800 individus, et qui viennent à cette période-là pour muer. Ils changent leur plumage, vous savez qu'ils veulent plus, ils sont là. Tant qu'ils n'ont pas refait leur plumage, ils ne peuvent pas quitter la Corse pour remonter vers le nord de la France, les côtes bretonnes, l'Écosse et autres. Quoi. Et à quoi ils ressemblent sans plume ? Ils doivent avoir une grande tête. Non, ils ont toujours un petit plumage, mais ils perdent des rémiges, des plumes longues qui leur empêchent de voler. Quoi. Donc ils font que plonger et nager. Parce que ce sont des oiseaux plongeurs. Le macareux moine, c'est un plongeur qui se nourrit de poissons. Gérard Perjean, donc là on est devant votre laboratoire qui se trouve à Corté. Vous allez nous faire visiter un petit peu ? Avec plaisir. Allons-y. Ah, voilà. Vous avez quand même pas mal de matériel. Vous rentrez dans des nouveaux locaux qu'on vient d'obtenir il y a 2-3 mois, donc on est encore un peu en déménagement, mais vous allez voir un petit peu les équipements. D'accord. Alors là on a des petites fioles suspendues. Un peu de matériel. Qu'est-ce que c'est, ça ? Alors, cette paillasse est, je dirais, dédiée à l'analyse du carbone. C'est-à-dire, ce que vous voyez là, c'est des petites capsules dans lesquelles on met des échantillons, que l'on ramasse dans les herbiers, par exemple, et on analyse le pourcentage de carbone qu'il y a dans ces échantillons pour avoir une idée de la séquestration de ce carbone et les quantités qui sont piégées dans ces herbiers. Oui, c'est des petites boîtes avec des choses en aluminium. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur des petites capsules ? Pour le moment, il n'y a rien. Ah. On met l'échantillon et on passe dans une machine qui va le brûler. Et tout va être brûlé et on va analyser la quantité de carbone qu'il y avait à l'intérieur. Et ça, vous allez le ramasser sur des zones dans l'eau et sur la terre ? Là, c'est essentiellement pour le moment en plongée qu'on ramasse, parce que c'est pour les herbiers de Posidonie. Mais quand on va travailler sur les podzines donc d'altitude, on va faire la même chose et on mettra cette fois-ci des échantillons terrestres dans le même appareil. C'est un point très important de comprendre que oui, on est vraiment dépendant de ce qui se passe au niveau de l'océan. Donc ça, c'est un premier point. Percevoir ce qui se passe, déjà tous les gestionnaires d'aires marines protégées peuvent vous donner des exemples, et je pense que ça a dû être fait peut-être au niveau de vos discussions à Scandola, sur le fait qu'on assiste déjà à des mortalités massives d'un certain nombre d'espèces, alors qui touchent pas forcément le grand public. public parce qu'ils ne les connaissent pas ou ils les voient simplement lorsqu'ils viennent plonger en été sur nos côtes. Mais on a des mortalités massives dues juste simplement à une augmentation de la température des eaux. On a des phénomènes de modification sur le fonctionnement, sur le fait qu'on ne va pas pouvoir, par exemple, pêcher certaines espèces, tout simplement parce que ce qui est nécessaire à la croissance de ces espèces ne va pas se trouver au moment où c'est nécessaire. Si vous avez des larves de poissons ou de crustacés, etc., qui ne trouvent pas de quoi se nourrir au moment où ils en ont besoin, ben de toute façon, ils ne deviendront jamais adultes, ils ne se reproduiront pas. Et c'est aussi des conséquences après pour les aspects exploitation. Ce que je peux vous dire comme exemple, c'est par rapport aux aires marines protégées. Certaines aires marines protégées ont été décidées sur des endroits où il y avait des colonies d'oiseaux, par exemple. Il y a des cas très, très concrets sur des colonies de manchots en Amérique du Sud. Donc il y avait une très belle colonie de manchots, on a vu une aire marine protégée à cet endroit-là. Et puis avec le changement climatique, ils sont tous partis ailleurs. Donc on n'a plus d'air protégé pour ces manchots qui ont dû migrer dans des zones plus au nord. Donc c'est un drame, je dirais, parce que on a tout fait pour les protéger, pour faire en sorte qu'ils puissent se reproduire correctement, leur trouver leur site naturel, et puis leur site naturel maintenant n'est plus adapté à leurs besoins. Donc ils vont ailleurs, mais on n'est plus capable de les protéger de la même façon. Enfin, c'est une anecdote, je dirais, mais qui montre bien un petit peu la difficulté de ces histoires de conservation vis-à-vis du changement climatique. Tout ce qui se passe et qui se voit moins ou qui n'a pas d'incidence directe, tout au moins pour le moment, au niveau économique, au niveau politique, est quelque chose d'énorme. Et ce qui est en train de se passer actuellement est quelque chose qu'on n'a pas connu depuis très très longtemps, et les conséquences dans les prochaines années risquent d'être catastrophiques. Et en Corse, on a quelque chose d'exceptionnel, c'est qu'on a une espèce qui s'appelle la Posidonie, qui est une espèce qui n'existe qu'en Méditerranée, qui est sûrement l'espèce qui a la plus grosse capacité de séquestration de carbone. C'est aussi une algue. C'est pas une algue, mais c'est presque ça. C'est une plante à fleurs qui vit donc entre 0 et 50 mètres de profondeur et qui en Corse recouvre pratiquement 60% des fonds, ce qui est énorme et qui a des rôles très importants en termes de biodiversité par rapport à la pêche, par rapport à la lutte contre l'érosion du littoral. Mais depuis quelques années, on s'est rendu compte qu'elle avait la capacité de séquestrer ce carbone de façon très très importante. Si l'on compare aux forêts, c'est 5 fois plus qu'une forêt tropicale par exemple. On ne peut pas aujourd'hui dire on va lutter, on va résoudre le problème dans les 10 ou 20 ans à venir. Il y aura obligatoirement une adaptation qui sera nécessaire, mais il ne faut surtout pas abandonner la lutte parce que l'adaptation, elle aura un certain niveau de possibilité. On ne pourra pas tout résoudre avec l'adaptation, malheureusement. Jean-Marie Dominici de la réserve naturelle Scandola, merci à François Savirioux, Patrick Rédiou de Météo France à Ajaccio, Lucille Rossi, maître de conférence, Gérard et Christine Perjean, chercheurs à Corte, spécialistes des écosystèmes marins à l'Université de Corse, et François Simard de l'IUCN. Prise de son Romain Loukiens, mixage Stéphane Desmonts, réalisation Doria Zénine, un documentaire de Lydia Benitzrak. Naufragés, incendiés, noyés, inondés, éteints ou suffoqués, LSD, c'est tout pour cette semaine. Bibliographie, lien pour nous réécouter dans la Garrigue, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Abolivier, Mathias Mégy et Anise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur l'application Radio France et ailleurs, et nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Et la semaine prochaine, nous irons voir comment la science regarde le sexe. Mais demain, à la même heure, c'est Grand Reportage. Et pour faire patienter vos oreilles jusqu'à lundi, il y a les rendez-vous documentaires du week-end, une histoire particulière, toute une vie et l'expérience.